celle de carapace comme celle de Cuba. J'ai rehaussé le game malgré les chaînes des Cuba. Je ne tease même pas mais ce game de merde me saoule. Je ne tease même pas mais ce game de merde me saoule. Le cul nous sert de carapace comme celle de Cuba. J'ai rehaussé le game malgré les chaînes des Cuba. Je ne tease même pas mais ce game de merde me saoule. Je ne tease même pas mais ce game de merde me saoule. Circulant dans le four, circulant dans le zoo. Dans un BM écoutant la poème dans ma voix. Rap des tailles de coca sur mon arapoula. Ils ont peur de boire la tasse mais font les barracuda. J'suis là pour faire des sougas comme Linda de Souza. J'me revois à la school en gazeuse dans la troussa. L'instru est douce mais le flow fout la frousse. L'instru est douce mais le flow fout la frousse. Nettoyage du game, on taille plein les veines. On mélange pas les torchons et les serviettes. Les rocs et les derviettes. Micro-ondes des quêtes plafond des merveilles. J'vise le haut du nœud pas pour le zéré. Le rap ramassera le bon, ça j'vais lui mettre. J'occupe la puce si j'te rends la pareille. La tienne est la mienne, c'est pas la même règle. Couche canadienne, règle. Je regarde le ciel, hey. Je mange mon fièvre, hey. À l'arrière du Yefrey. Couche canadienne, hey. Je regarde le ciel, hey. Je mange mon fièvre, hey. À l'arrière du Yefrey. Le cul nous sert de carapace comme celle de Cuba. J'ai rehaussé le game malgré les chaînes des Cuba. Je ne tease même pas mais ce game de merde me saoule. Je ne tease même pas mais ce game de merde me saoule. Le cul nous sert de carapace comme celle de Cuba. J'ai rehaussé le game malgré les chaînes des coupes. Je ne tease même pas mais ce game de merde me saoule. Je ne tease même pas mais ce game de merde me saoule. Saoule. Je ne tease même pas mais ce game de merde me saoule. J'ai rehaussé le game malgré les chaînes des coupes. J'ai perdu des guerres, perdu des combats. Mais je n'ai jamais fui devant la stomba. J'ai refusé des équerres et des compas. Ce soir, pas de balance à gars, j'suis sous Yojiyama. Karate Chopini Anna, Bolstein Noritaka. J'fais que des classiques, des BZ Toriyama. Pourtant, j'écris juste que j'pense que Kral prodige Zama. Bitch, je ne cherche pas de punani. Si jamais je dépense, c'est pour la mif. Je dépense ma hébette que pour la mif. J'investis mon temps que pour la mif. Bitch, je ne cherche pas de punani. Si jamais je dépense, c'est pour la mif. Je dépense ma hébette que pour la mif. Fantastique, bombastique. Fantastique, bombastique. Fantastique, bombastique. Mon flingue, je l'astique pour la street. J'ai le baisse bien avant le buzz. J'ai le baisse bien avant le buzz. J'ai le baisse bien avant le buzz. En heure pleine ou en heure creuse. Fantastique, bombastique.